Bonjour à toutes et tous et bon début de semaine ensoleillé à l'écoute de Radioactive. Et pour commencer cette semaine dans le MAG, on vous embarque aujourd'hui à la quinzaine du livre Jeunesse qui s'est tenue mercredi 26 février à la salle Francis Poulenc à Amboise. Un événement haut en couleur qui a rassemblé petits et grands autour du plaisir de la lecture. Et sur place, nous avons retrouvé Catherine Mété, animatrice lecture de l'association Livre Passerelle, l'une des structures organisatrices. Elle nous a expliqué l'organisation de cet événement et les actions menées par l'association sur Amboise afin de favoriser l'accès aux livres et à la lecture, notamment auprès des plus jeunes et des habitants des quartiers. Retournons-en donc sur cette belle initiative qui donne envie de tourner encore plus de pages. C'était la 54e édition de la quinzaine du livre jeunesse qui avait lieu aujourd'hui à Amboise dans la salle Francis Poulenc. Alors c'était le temps fort aujourd'hui hein, puisque la quinzaine du livre, évidemment, on l'aura tous compris, ça se déroule sur un temps bien précis. Catherine Mété, vous êtes animatrice lecture pour Livre Passerelle. Bonjour Catherine. Bonjour. On en profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire parce qu'on a entendu des bruits qui couraient. Merci, merci beaucoup. Alors Catherine, un petit rappel global de ce que c'est que cette opération quinzaine du livre jeunesse. Alors la quinzaine du livre jeunesse, c'est une opération littéraire qui est gérée par la Ligue de l'enseignement de l'Indre-et-Loire et qui coordonne toute une action qui s'appelle quinzaine mais qui dure maintenant toute l'année et qui regroupe d'abord des comités de lecture qui se réunissent tous les ans, toutes les semaines, tous les 15 jours pour certains, pour choisir, j'ai envie de dire, le meilleur de ce qui sort en littérature de jeunesse, donc des albums, des romans, des BD, des mangas principalement, et qui ensuite a pour objet de faire circuler cette sélection de choix dans tous les endroits possibles et imaginables dans le département d'Indre-et-Loire. Les bibliothèques, les centres sociaux, les écoles, les collèges, les lycées, les associations, enfin dans plein d'endroits. Et donc cette opération, elle est relayée par des partenaires de terrain. Là, en l'occurrence, on retrouve la MJC d'Amboise et la médiathèque également. Ouais. Donc là, c'est relayé effectivement. Il y a un certain nombre de partenaires qui participent à ce projet. Donc on a effectivement la MJC, la médiathèque, la CCVA à travers le pôle enfance, petite enfance, qui est aussi très, très impliqué. Mais d'autres gens comme le Foyenne de Beaujeu, le village d'enfants, enfin... Et j'en passe et j'en oublie, je m'excuse d'avance pour eux. Mais voilà, donc il y a un réseau qui prépare ou qui fait venir du monde sur ce temps-là. Oui, parce qu'on parle de livres jeunesse, mais on est aussi dans une dimension familiale. Oui, essentiellement parce que l'idée, c'est effectivement de partager des moments entre parents et enfants, de créer des moments privilégiés entre parents et enfants pour que aussi les parents s'emparent de cet objet-là et le fassent vivre au quotidien dans les familles. Quoi. Et qu'on puisse développer des pratiques culturelles, familiales, durables et pérennes au cœur des familles. Alors quel bilan vous faites de cette édition qui va bientôt toucher à son terme, puisque là on est ensemble sur la fin de journée. On se dit toujours que c'est toujours un petit peu court une journée, mais il faut mobiliser effectivement beaucoup au-delà des professionnels, énormément de bénévoles pour réussir une journée comme ça. Donc, il y en avait beaucoup, ouais, on était presque je crois une vingtaine hier à installer la salle, donc c'est énorme, et on était une quinzaine à animer cet après-midi, donc c'est cette journée, donc c'est beaucoup. Donc voilà, une journée c'est bien, deux jours ce serait mieux, mais il faut des forces vives, et ça c'est pas toujours le cas sur la durée. Donc on a accueilli énormément d'enfants des centres de loisirs de la communauté de communes, on a accueilli des lycéens, on a accueilli aussi beaucoup de familles, une cinquantaine de familles je pense qui sont venues cet après-midi. On a eu plus de 200-150 personnes dans la journée, ce qui est pas mal, et puis ça s'est plutôt déroulé, c'était assez fluide, donc on crée plusieurs des espaces lecture un peu variés, donc c'était relativement assez fluide, on s'est pas bousculé, puis on a pu profiter des temps de lecture, des temps de jeu. On a rencontré une autrice illustratrice avec qui on a fait une fresque participative, on a fabriqué des mini-livres, on a fait des jeux autour d'albums, enfin bon, il y avait multiples propositions et ça s'est passé relativement de façon fluide dans l'après-midi. Et alors, pour les auditeurs qui forcément n'ont pas l'image, vous avez créé des petits îlots par âge. En fait, il y a des pôles. Oui, il y a des pôles. Donc, chaque, euh, Donc la salle, elle est disposée avec effectivement la vente-exposition, parce que c'est à la fois une vente-exposition de la sélection de l'année, des albums, des romans et des BD. Et donc elles sont disposées au centre de la place par âge. Quoique les âges, quelquefois, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça aide les parents, une fois, à se repérer. Mais on peut avoir 5 ans et avoir envie de s'emparer d'un livre d'un enfant de 8 ans et avoir 8 ans et se plonger dans un album Petite Enfance avec bonheur. Je crois qu'il faut un peu faire fi des âges. Ça donne une vague idée, mais voilà, on a le droit de lire un livre pour les tout-petits quand on est grand, et le contraire est vrai aussi. Et ce qui est important, c'est de partager un moment de lecture, quel que soit l'âge, quoi, avec n'importe quel album ou roman. Et pour le public qui n'aurait pas pu se déplacer, mais qui écoute Radioactive et qui regrette évidemment de ne pas avoir pu venir aujourd'hui, est-ce qu'on peut retrouver une liste de ces albums, se les procurer sur Internet, par exemple ? Oui, alors ça, vous allez retrouver ça sur le site. Si vous allez sur le site de la quinzaine du livre jeunesse, qui est géré donc par la Ligue de l'enseignement, vous allez trouver toute la liste de l'ensemble des ouvrages. Donc il y en a un peu moins de 500, je ne sais plus, 450. Et dans cette liste, chaque ouvrage est croqué avec un petit résumé, un petit commentaire, donc, et nos coups de cœur. Donc vous retrouvez ça très précisément sur le site de la quinzaine du livre de l'AFOL. Très bien, quant à Livre Passerelle, on vous retrouve prochainement sur Amboise. Est-ce qu'il y a des actus? Alors Livre Passerelle est, j'ai envie de dire, de façon hebdomadaire sur Amboise, puisqu'on est régulièrement, toutes les semaines, dans les salles d'attente de la consultation de la protection maternelle et infantile sur les deux quartiers Verry et Maletraine, qu'on anime aussi un atelier mensuel qui s'appelle Des livres à nous, où on se retrouve entre adultes pour partager des lectures. Et voilà. Ça a lieu où ? Et ça a lieu dans le quartier de la Croix-Bénard, salle des cartes. Donc c'est un lundi par mois. Et à l'occasion, par exemple, on va organiser un voyage au Salon du Livre de Beaugency, qui est un salon du livre un peu extraordinaire, à la fin du mois. Donc voilà, il y a des rencontres, il y a des moments autour de cet atelier-là où on partage des bons moments ensemble. Autour d'un café, d'un thé, on partage des livres et on échange beaucoup et on crée des projets divers et variés ensemble. Avec notamment des choses en chansons. Et des choses en chansons. On devrait redémarrer à l'automne un atelier écrire et chanter où on invente, on crée, on écrit des chansons et on les chante. Et on devrait faire un enregistrement cette année. Mais on va y penser. Donc là, Radioactive. Voilà. Eh ben, on sera les premiers à vous diffuser, Catherine. Ouais. Oui, non, mais ça, même pour l'enregistrement, il faut qu'on en parle. En tout cas, merci beaucoup pour ces quelques mots. Et puis, bon courage pour merci. Tout le rangement. Merci beaucoup. Et pour retrouver le catalogue des livres sélectionnés sur ce cru 2024-2025, rendez-vous sur le site qlj.fol37.org. Si vous aimez lire et mieux encore rencontrer des auteurs, voici quelques rendez-vous pépites à noter pour mars, à commencer par ce vendredi 7 où l'équipe de l'Auberge de la Treille à Saint-Martin-le-Beau vous invite pour une rencontre littéraire avec Sandrine Roudex autour de son ouvrage « Le silence des ogres ». Le pitch, c'est l'histoire d'une jeune fille de 19 ans qui rencontre son père pour la première fois, l'histoire d'une fille de 28 ans qui choisit de ne plus le revoir, l'histoire d'une fille de 48 ans qui vacille au moment où elle entend prononcer le prénom de son père. Pourquoi ce silence ? Pas facile de se construire, de trouver sa place quand le vide du père se fait si lourd. Avec une extrême délicatesse, Sandrine Roudex creuse et interroge les questions d'identité, d'émancipation personnelle et de transmission familiale. L'intime devient universel. Surtout, ne passez pas à côté de cet auteur qui signe l'un des plus beaux livres de 2024, immense coup de cœur pour un roman qui bouscule. C'est donc vendredi 7 mars à 18h15 à l'Auberge de la Treille à Saint-Martin-le-Beau, avec toujours la possibilité de dîner après la rencontre. Réservation au 02 47 50 67 17. Et puis pour clôturer ce mag, une autre info à noter pour les amoureux des mots, une conférence organisée samedi 15 mars à 16h30 chez nos amis de la Bibliochouette située dans le parc Édouard-André à La Croix-en-Touraine. Une conférence intitulée « S'amuser avec les mots de la langue française », conférence qui sera animée par l'auteur du livre Francis Lafargue. La réservation est conseillée, alors pour être sûr d'avoir vos places, n'hésitez pas à appeler Violette au 02 47 57 80 74. C'en est tout pour ce Mac du jour. Merci de nous avoir suivis et à demain, même heure, même fréquence pour un nouveau numéro.